Madame Duclos et ses trois fils. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux aller au cinéma. Bon, ça va. Pierre aussi voudrait aller au cinéma. Bon, ça va. Et Marc aussi. Bon, bon. Voilà de l'argent. Allez-vous-en.